Troisième petite capsule où je retrouve Tonaï afin de parler des groupes qui sont déjà venus au Hellfest et donc qui ne passeront pas dans l'émission traditionnelle. Mmh. Et oui, c'est ça l'idée. Ouais. Par contre, des fois, on tombera sur des groupes qu'on n'a jamais chroniqués. Alors, si on avait vraiment fait les choses professionnellement, vous auriez dit oui, ce groupe-là, on en a parlé dans tel épisode. On le fera peut-être au fur dans le futur de ces petites chroniques. Mmh. Là, on vous le dit sur la troisième, mais enfin, on teste. Hein, bah ouais, ouais, test. On n'a pas vraiment, on n'a pas répété. On a un peu dit à l'arrache comment on va dire les choses. On y va. En détente. Et avant de vous parler de ce troisième groupe, bah tout de suite un petit générique. D'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, je sais même pas quand. Normalement, je vais pas les diffuser cette semaine. Je les diffuserai dans 15 jours. Ah oui. Bah normalement, d'accord, si l'idée c'est de les passer quand il y a pas d'épisode. Tant qu'à faire. Ouais, voilà, comme ça. Okay. Nous, ça nous donne de l'avance aussi. On n'est pas, on n'est pas trop en retard. Cool. Et donc, ce troisième groupe dont on va parler, c'est un groupe connu pour son guitariste ultra sympathique, guitariste chanteur ultra sympathique, qui sait jouer de la guitare de n'importe quelle façon et avec n'importe quel accessoire. C'est un mec que, en général, tout le monde adore. D'ailleurs, c'est un groupe en général que tout le monde adore. C'est sûr. Et donc, pour tout de suite, on va vous parler de Free Kitchen. C'est dans le dernier album, ça ? Non. Non. Non, pas du tout. C'est, cette chanson date d'il y a 6 ans. Oh, bah donc pas c'est tout. Pas du tout dans le dernier album. Okay. Donc Freak Kitchen, qui est un groupe suédois de métal progressif. Et ce qui est très intéressant avec rien que ce début, c'est qu'en général, le métal progressif, je sais pas si tu t'y connais un peu, mais ben justement, c'est, non, c'est un métal un peu qui est très sérieux, qui est très technique et qui justement se veut très sérieux et technique. Sérieux. Oui, le, bah, non, mais justement, là où Mathias L. Englund, justement, le guitariste, lui, il a amené une toute autre dimension à ce métal progressif, c'est-à-dire que tu vois bien qu'il joue de la guitare super bien, tu l'entends, t'entends ses riffs, t'entends tous ses plans et motifs qu'il peut mettre dans des chansons, tu vois que même les autres musiciens, tout le monde est super fort, mais il s'en sert en fait pour, au lieu d'avoir un métal progressif un peu chiant, parce que c'est souvent ce qui peut se passer avec le métal progressif. Pour s'amuser. Eh ben, non, mais pour rendre ça cool en fait, c'est une espèce de version pop du métal progressif, parce qu'on n'est pas loin d'avoir des titres qui sonnent hyper bien, qui s'écoutent facilement. Tu vois, je t'avais dit. Je l'ai pas vu venir, le pop. Bah, en fait, réfléchis de cette façon. Toi, l'album que je t'ai dit, Move, quand tu l'as écouté. Oui. Tu es rentré tout de suite dedans. Ah bah je suis rentré tout de suite dedans, voilà. Et puis j'ai tout de suite entendu un truc différent, quoi. Voilà. Et quand tu imagines ces titres-là, il y en a plein qui pourraient passer en radio. Ça serait pas. Oui, tous les jours. Ben voilà. Et ben c'est là où je te dis le côté pop. Ah, ok. Tu vois, il est hyper facile. Pas pop dans le côté, c'est pas Wonderwall d'Oasis. Oui, oui. Mais c'est un truc qui est pas choquant. Et il a amené ce côté-là. Mm-hmm. Il a amené aussi bien sûr le côté humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour, mais c'est pas forcément ce que à la première écoute, tu peux avoir, moi, je trouve. Peut-être pas à la première écoute, non. Après, mais si tu creuses un petit peu, voilà, tu regardes. Oui, oui. Il y a plein de moments, bah, ou même quand t'as une chanson qui s'appelle Porno Daddy, et qui chante Porno. Il y a plein de trucs dans l'univers de justement de Freak Kitchen et de Mathias plus particulièrement qui est hyper intéressant parce que pour la petite histoire, donc c'est un groupe quand même que je l'ai pas dit mais qui s'est formé en 92 et qui a déjà 10 albums en concert. J'étais surpris que ça soit si vieux. Ouais, et pour te donner un ordre d'idée parce qu'eux ils se considèrent pas forcément comme faisant du métal. Si, tu m'as demandé si j'avais lu des trucs et j'ai lu un truc qui disait que c'est quoi leur premier ou leur troisième album qui disait que c'était du heavy pop rock latin world jazz avant-garde metal blues. Voilà. Ok. Bah en plus c'est leur album éponyme le troisième je crois non. Peut-être. Alors là tu me semble. Oui tout à fait. Bah c'est moi c'est par cet album là que j'ai connu en fait. Ah d'accord. Moi en fait Freak Kitchen c'est un groupe que j'ai connu à l'époque où c'était en 98 où j'ai acheté des magazines et il y avait encore les CD. Avec des morceaux des sorties actuelles Et il y avait ce morceau de Freak Kitchen que j'avais adoré et que justement je trouvais différent comme truc de metal prog. Je me disais putain ça amène un côté moins coincé du cul. Ouais non mais il y a un côté fun. Tu sens que les pros parce que faut pas oublier de dire que c'est putain de quali quand même. Ah non mais c'est techniquement, musicalement. Mais tu sens qu'ils s'amusent les mecs. Et surtout en plus ce qui est marrant c'est que ils ont leur son. Il y a leur son, qui est pas le son le plus ultra produit, mais tu reconnais à l'écoute du Free Kitchen parce qu'il a sa disto à lui, il y a un truc qui, il y a une façon de jouer, et puis, de ce que je sais, ce que j'entends. Ouais, vas-y, je te laisse. Et de ce que j'ai entendu partout, c'est que c'est vraiment un mec qui est super fun parce que tu vois, il est connu aussi pour avoir beaucoup de performances déjà à l'époque. Peut-être moi maintenant, je sais plus, mais à l'époque où il jouait justement sur scène avec un vibromasseur sur sa guitare pour faire des sons. Tu vois, il est connu comme ça. Mais, voilà, moi, Free Kitchen, j'ai tout de suite adoré. Ouais. Et, j'ai mis un peu de temps, en fait. C'est marrant parce que j'ai tout de suite adoré et j'ai pendant un long moment pas écouté. Et après, j'y suis retourné avec Move en 2002. Et après, j'ai relâché et je suis revenu. C'est un groupe que je lâche et que je suis. Ouais. Mais parce qu'en fait, la petite problématique selon moi de ce groupe, c'est autant j'adore tout, j'aime sa qualité de jeu de guitare, j'aime musicalement ce que ça propose, j'aime même sa manière de chanter, je trouve qu'il a un truc qui marche bien, j'aime tout et d'ailleurs, mais les albums je trouve sont assez inégaux et on va revenir là-dessus tout à l'heure, je pense, une fois que j'aurai eu ton avis à toi, mais toi quand je t'ai envoyé le nom et que t'as écouté, j'ai senti que t'avais tout de suite aimé parce que t'as même dit un truc du genre putain je suis dégoûté, j'aurais aimé connaître ça avant. Ouais. Bah oui, c'est l'album Move que tu m'avais envoyé tout de suite là. J'ai accroché tout de suite. et du coup, avec du recul, tu sais, je t'ai dit ouais, je suis dégoûté de pas avoir découvert ça plus tôt, machin. Bon, après Que je te dis, ça changeait rien. Ouais, je suis content de découvrir ça aujourd'hui, ça change rien en fait. Non, ça change rien, t'as raison. Mais excellente découverte. C'est une dinguerie ce groupe. Grave. C'est excellent et on reviendra peut-être sur le dernier album parce que tu voudrais peut-être en dire des choses un peu différentes du reste. Mais oui. En tout cas, moi ce que j'ai tout de suite adoré. Alors c'est vrai, c'est ce côté fun, ce côté où ils s'amusent et tout. Bon, techniquement, y a rien à dire, c'est nickel. Mais ce que j'aime bien, c'est que au bout d'un moment, quand tu commences à écouter Free Kitchen, parce que je me suis tapé tout, t'es dans l'attente, tu sais, parce que il y a toujours ces petits moments où tu sais t'es là, ils font leur truc machin, et ça surprend. Putain, le refrain il est terrible et tout, et là tu sais, quand t'as l'habitude au bout d'un moment d'écouter du Free Kitchen, tu dis ah, ils vont se taper un délire à un moment donné, il va y avoir des riffs de ouf que tu vas pas venir voir venir, c'est ça en fait, t'écoutes du Free Kitchen, tu fais allez, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là, et pff, ils se tapent des délires, c'est excellent, c'est il est excellent ce groupe. Ouais, il est top. Et faut savoir aussi que comme c'est un très grand guitariste, il donne beaucoup de cours. Il est aussi beaucoup connu pour ça. Il y a beaucoup de masterclass de lui sur internet. Ah oui, j'ai vu ça un peu. Il fait des campus l'été en fait, où les gens peuvent s'inscrire, venir. Et comme tu dis, des masterclass. Voilà, c'est ça. Mais tu viens travailler avec la guitare avec Mathias qui t'apprend des trucs. Et, il est très très pédagogue. Vraiment, il travaille beaucoup là-dessus. Et oui, si on doit revenir un petit peu, comment en fait, ce dernier album, il est sorti en 2024. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'en attendais parce que Free Kitchen fait partie de ces groupes que j'adore depuis très longtemps et que je n'ai jamais vu en concert. Ah ouais? Ouais. Mais parce que, et je sais que Bob et Parsi, eux, ils l'ont vu au Motok. Alors je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. D'accord. Mais en fait, j'ai un problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir envie de voir en concert. Alors effectivement, j'ai un peu la peur. Une petite peur d'être déçu parce que je suis pas sûr que ça soit aujourd'hui la meilleure période pour le voir. Tu vois, c'est. D'autant plus que. Parce que l'année dernière, donc en 2024, est sorti Everyone Get Bloody. Et en fait, quand je l'ai écouté, je suis resté, ça m'a rien fait. Je n'ai vraiment... À ce point-là ? Ah, j'ai vraiment été déçu, moi. Oh. Vraiment. Alors, justement, le mot déçu, il fait mal. Mais en fait, j'aurais dit la même chose. Mais je l'écoute, je peux l'écouter et le réécouter. Ouais, non, là, là-dessus, ça reste... En fait, tout ce que t'aimes bien dans Free Kitchen est là, mais... Enfin, il manque quand même 2-3 petites choses. Le côté un peu fun que t'attends dans chaque morceau, peut-être. Il est moins là, je trouve. Peut-être. En fait, non. En fait, je crois que c'est ça, moi, qui m'a le plus manqué. C'est ce côté, tu sais, t'attends les délires, t'attends les petits riffs, la petite surprise, la surprise et tout. Et voilà. Après, à côté de ça, l'album est. En fait, oui. Nickel. Il est carré. Tout est nickel. Mais voilà. Quand je dis déçu, c'est peut-être, déjà, en plus, c'est toujours très compliqué, ce n'est pas l'album que t'attends, ça n'a pas de sens, vu que c'est pas toi qui le fais, c'est eux. Oui. Donc, c'est pas toi qui es en train de manipuler Free Kitchen pour qu'il te fasse la musique. Mais quand t'es habitué à des trucs, t'as envie, justement, comme tu le disais, ce petit côté surprise, et en fait, il est passé, moi, je me souviens qu'il est passé en mode d'une traite, et je me suis dit, mais il y a rien, en fait, il y a pas de truc en plus, c'est-à-dire qu'il est bien, il est calibré comme il faut, mais il y a jamais de moment qui vient te surprendre, il y a jamais de comme tu disais même de moment fun pour te réveiller un petit peu, te faire rire. Il est juste bien pour un album de Freak Kitchen, mais quand tu t'attends que ça soit le dernier qui vient de sortir, toi, en fait, il est arrivé comme une continuité dans ce que t'as écouté. J'aurais dit, il est bien pour un album de Metal Prog, tu vois, parce que du coup, si t'attends du Freak Kitchen, c'est justement là où la déception peut arriver. Tu vois, parce que des fois, tu fais, ah merde, il est pas aussi fun, les refrains sont pas aussi... Bah non, pas aussi catchy. T'as l'impression, en fait, moi, j'ai même l'impression des fois, tu sais, que c'est, ah, c'est l'album qu'il y a parce qu'ils sont en contrat, il faut le donner avant de partir. Oh, bah, peut-être pas quand même. C'est mon côté extrémiste. C'est mon côté extrémiste qui dit ça. Parce que ça m'a vraiment, moi, je sais que j'ai vraiment été déçu, mais parce que toi, tu l'as eu dans la continuité des autres, donc ça te fait une seule traite, les 10 albums. Tu as découvert ça d'un coup. Ouais. Moi, je l'attendais depuis longtemps. Donc, donc c'était vraiment, j'avais beaucoup d'attentes dessus, et peut-être c'est ma faute, j'en ai trop mis dedans. Mais c'est vrai que ça m'a déçu. En tout cas, ça reste une bonne découverte pour toi. Mais du coup, je comprends mieux ta peur de les voir en live. Est-ce qu'ils vont faire... Est-ce que ça va refléter un peu trop leur dernier album, peut-être? Ouais, ou est-ce que... Alors, en fait, il y a toujours ce problème-là quand un nouvel album sort et que, bah là, en l'occurrence, comme je les ai pas vus en live, c'est-à-dire que si je les avais vus à une autre période et que je savais que tout était hype pour eux, je me dis, si le concert, il est pas bon, bah, c'est moi qui ai mal reçu, c'est eux qui ont mal joué, ça peut arriver, tu vois. Ça, mais là, si l'album, il est pas ouf, est-ce que c'est parce que le groupe a atteint, pas forcément ses limites, mais une forme de limite, tu vois, une forme de, bah, on est arrivé au bout de quelque chose? Ouais, de se dire on arrête. Faut là. Faut pas être si... En fait, j'essaye de si tu veux, pourquoi j'ai si peu de hype à me dire ça reste un groupe que j'ai envie de voir. Ça reste un groupe, mais je suis pas méga hype en mode j'ai des craintes, mais est-ce que c'est parce que justement cet album m'a déçu et donc ils ont peut-être atteint quelque chose, tu sais, il a peut-être justement il devrait partir vers autre chose, ou c'est juste moi qui projette quelque chose, tu vois. Pense un peu, parce que j'imagine bien que... Parce que Freak Kitchen, c'est quand... Ils sont passés combien de fois? C'était quand la dernière fois? Je m'en rappelle. Ils sont passés en 2010. Ah putain la vache. Ah non, c'est leur deuxième passage, C'est leur deuxième passage, ouais. Ah ouais. Ils seront en Main Stage 2. Bon, ça, sans doute. Après, je dis ça, j'ai peur, mais c'est juste un truc perso, parce que je sais que Bob et Parsi apparemment ont passé un bon concert. Alors c'est vrai qu'on aurait, j'aurais pu les interroger un peu plus là-dessus, mais je crois qu'on devait faire une émission sur le Molotov qu'on n'a pas fait encore. Donc. Ah d'accord. Pas encore. Mais toi, par exemple, toi qui as écouté, qui as découvert, tu dois avoir quand même beaucoup envie de les voir plus. Ah bah énorme. Là, ce serait quasiment immanquable. Oh. Oh ouais, non, j'ai trop adoré. Ah ok, je le note. Freak Kitchen, immanquable. C'est fou. Non, j'ai trop adoré. Après, bon, j'entends bien ce que tu dis sur le dernier album, mais c'est leur deuxième passage, c'est sûr, ils vont faire des gros tubes, enfin des gros tubes. Ils vont faire des autres morceaux, albums. J'ai toujours un peu peur, même que le groupe soit un peu en sous-régime. Et puis justement, peut-être que vu qu'ils sont fun et qu'ils s'amusent, que même s'ils jouent des morceaux de leur nouvel album, on l'entendra et on le vivra d'une autre manière, les voir peut-être en live. Non, on a toujours des craintes, mais finalement, on peut aussi avoir une très bonne surprise. Non, et puis tu sais, faut pas oublier des fois, tes groupes, t'écoutes un album là parce que t'en avais des attentes, tu le réécoutes 6 mois plus tard en te disant, non mais en fait, c'est moi qui ai chromis quelque chose dessus, tu vois. Ouais, même si là quand même, les attentes, tu les as eues aussi, Non, mais bon. Et puis, on peut pas non plus toujours... On peut pas, remettre en cause un groupe sur un seul album. Ouais, bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Faut pas être trop rapide. Là, même l'album d'avant, il y avait tout ce que tu aimes sur Freak Kitchen. Donc, ce dernier album, bon. Tiens, ce que je disais tout à l'heure, t'as pas trouvé un petit peu qu'il y avait des albums où ça redescendait un petit peu, il était un peu moins inspiré sur certains trucs et que du coup, c'est le dernier. Au sein même d'un album, des fois, il y a certains titres qui sont peut-être un peu moins fun ou que t'apprécies moins, mais en même temps, c'est pas évident d'avoir des trucs qui matchent tout le temps. En tout cas, il y a quand même des grandes chances que, quoi qu'il arrive, j'essaye de t'accompagner, ne les ayant jamais vu. Et merci. Prends moi-même. Quatrième matin, j'arrive plus à parler. Il y a de grandes chances que je t'accompagne du coup là-dessus parce que, l'histoire fait que pour moi aussi, ça sera une forme d'immanquable. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu te faire découvrir ça. Tu vois, ça fait partie des petites pépites que des fois les gens se transmettent pas. Alors que c'est un groupe que j'aime depuis hyper longtemps et c'est juste parce que, il est pas si, il est ultra populaire sans être très public parce que, t'en avais jamais entendu parler. Non, pas du tout. Et pourtant, Freak Kitchen, tu vois, ça c'est Non, j'étais surpris. 92? Ouais, 92. Moi, j'ai fait non. Ouais. Mais bon, après, l'année de formation est pas toujours représentative de l'année où ils sortent des disques ou pas, parce que le premier est sorti en 94, il a moins fait parler. Regarde, moi, je les ai découverts qu'en 98. D'accord. Alors que le groupe existait déjà depuis longtemps. Ouais. Écoute, voilà pour cette petite troisième capsule. Je te propose qu'on arrête là pour Freak Kitchen. C'était une super découverte pour toi et ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci. Mais c'est cadeau pour moi. Et je te propose, et puis je te dis à la prochaine capsule. Bah ouais, bah la bise. Allez, la bise. Ciao.